alors coquin, dis donc où est-ce que tu vas? C'est toi plus qu'aucun autre que veulent mes dix doigts d'ivoire, tu crois avoir qui? Non mais franchement, tout pourri l'idée de se planquer sous le tapis. Viens, je te jure, ce sera marrant, comme avec tes camarades, je te mordrai des heures durant. Tu finiras plus décidé, civé par mes idées, je suis décidé à te saigner. Et je vais signer, signer, signer jusqu'à ce que tu sois décédé. Allez, crache encore un peu, j'ai décidé plein les cieux. Depuis que tu deviens vieux, c'est curieux, tu marches par intermittence. J'ai beau te lécher, tout cela n'a qu'ajouté à tes dards de l'incontinence. C'est pourtant pas immense ici, alors comme ça on s'émancipe. Vous jure que je taillerai à la scie, le prochain de vous quitte pas en vrille. Je vous garantis que c'est pas fini, je graverai la fin si j'ai plus d'encre. Reviens ici! Putain, mais je le savais en plus, je le savais, j'en ai parlé hier avec... J'en ai parlé hier, quoi. Tu voulais me dire, en fait C'était quoi, déjà? Ça m'échappe encore, inlassablement, l'action se répète. Et je perds des phrases, des fragments de mots qui pourtant me passent devant, ça me les pète. Et je vais m'énerver, m'exercer, les chercher. Baisser les bras n'est pas mon fort. Je sais que c'est pas des lingots d'or, mais mes idées partent et ça renforce. À mort, mon inconfortable configuration mentale. Faut faire bien attention quand je marche terrain très mine. Et je dois éviter les déflagrations frontales. J'aimerais terminer en un seul morceau, mais tout s'éparpillé partout. Vol, col aux parois inaccessibles. J'ai tout fait panique, j'ai la bougeotte. Ça m'abîme la rétine, j'ai pas où d'eau. Mais de la tête, mi face à mille. Baltenier, je fais quoi pour co? D'être la technique, pas facile. Car j'ai ni de quête, pas out short, ni de raquette. Prisonnier, qui sait à quel prix je lâcherai prise. Quelle balle garder, quelle balle détruire, seule balle masquée, des balles affrées. Assez bizarres et bigarrés qui disent qu'ils apprécient la zik. Mais unis et agresse Vivaldi. Poursuite de l'inaccessible, je ne vais jamais assez vite. Car jamais rassasié, jamais assez ni. Jusqu'à ce que je sois sénile. Pendant que le temps se dilate comme ma rétine. Les secondes passent, les heures passent, les jours passent, elles en passent. Mais l'unique voie que j'entrevois s'avère être une impasse. Stop, impossible, comme un bolide. Je cavale corps et annonce une folle symphonie. Alors après de quoi cours-je? Écartez-vous et gardez-vous de me barrer la route. Sinon je vais vous casser la croûte. Anthropophage, on s'entrebouffe quand le chronophage excède vitesse. Et c'est le gros flash, on s'asphyxie dans le cellophane. Dans une traque tout s'embrasse du vent comme des rectums. Tractant ce petit rictus, depuis qu'on était rectus. Homo sapiens, on monte sur pied, on marche à plein. Après la pièce, on se croit super jusqu'au soupir. Odeur de sapin, on va sous pierre. Pas sous pierre.